Alors aujourd'hui, extrêmement content de proposer probablement le cargo cut le plus populaire, le plus consensuel qui ait jamais lieu. Si je dois répéter comme ça en une phrase très très simple, le principe de cargo cult, hein, un disque culte de surcroît, une écoute et une longue explication. On a vogué dans quelques disques cultes, parfois un tantinet obscur, et parfois même très difficile. Celui-ci, il est pas obscur du tout, il est extrêmement facile, et c'est de fait un classique instantané en plus d'un disque culte. Voilà, on peut dérouler le tapis rouge et même jaune pour le Computer World de Kraftwerk, cet album qui signe et qui sort donc en 1981. Ah, Kraftwerk. Alors évidemment, quand Computer World sort, le phénomène Kraftwerk est déjà complètement institué. Kraftwerk est un des groupes les plus influents du monde. Peut-être même le plus influent du monde, à égalité avec les Beatles, quoi. Et puis évidemment, certainement, le groupe allemand là, qui a le plus et qui continue le plus à rayonner dans le monde, ça c'est peut-être même pas à justifier. Donc, quand le disque arrive en 1980, on pourrait dire que Kraftwerk a attendu au virage parce qu'ils ont déjà une carrière colossale. J'aurais dû compter dans ma tête, c'est pas évident, mais Kraftwerk a 11 ans de carrière, ils en sont à leur 8e disque, quelque chose comme ça, quoi. Et c'est un disque d'autant plus attendu au virage qu'en fait, Kraftwerk avait enchaîné de 1971 à 1978 un album par an, quoi. Et le phénomène Kraftwerk, finalement, il se fait avec quand même une certaine lenteur. Rien ne vient de rien. Il y a deux premiers disques qu'on pourrait qualifier d'expérimentaux, hein, qui voient d'ailleurs Florian Schneider et Ralph Hütter. Donc ça, c'est les deux colosses, hein, de Kraftwerk. On présente Kraftwerk comme quatre musiciens, mais on a le droit que c'est plus de dire que c'est plutôt 2 plus 2. Donc autour de ces deux piliers, il y a eu plusieurs formules. Notamment la toute première qui les a vus travailler de très très près avec Connie Plank, qui était producteur de l'affaire en fait, et puis les musiciens qu'elle a constitués Neu après. Alors c'est pas une explication que je vais trop développer finalement ici, on a l'habitude de se concentrer sur un album et finalement une époque, mais c'est pas une mauvaise idée de rappeler un petit peu Kraftwerk qui est ce berceau spécialement de Düsseldorf, où ce qu'on aura tout fait d'appeler le crotrock va se développer à qui de mieux mieux. Et finalement de façon plutôt bigarrée. Puis bon, y a un moment où Ralph et Florian vont d'ailleurs signer un disque éponyme, Ralph et Florian, ça correspond au troisième Kraftwerk. Et à partir de là, on va se lancer dans quelque chose probablement de plus singulier, mais plus simplifié aussi, qui va amener au Kraftwerk d'aujourd'hui. Et alors après, la liste, on la connaît bien, Autobahn, qui est le premier succès majeur de Kraftwerk et international, et qui campe déjà tout ce qui va faire la saveur de Kraftwerk, c'est-à-dire une forme de domestication de la musique électronique au profit de mélodies simples et de rythmiques qui le seront tout autant, mais le truc extrêmement ciselé, enfin, avec forcément une richesse de son. Un goût pour l'aventure maîtrisée qui va être le motto de Kraftwerk jusqu'à maintenant, hein, disons-le. Et voilà. Donc si je vais vite maintenant en 1980, c'est pour rappeler qu'il y a effectivement un gros passif chez Kraftwerk, et spécialement la mémoire du disque précédent de 1978, Man Machine, et qui est finalement considéré comme la pièce maîtresse de Kraftwerk. Pièce maîtresse parce que peut-être le disque le plus abouti, le mieux produit, ils sont au top de la maîtrise de l'instrumentarium électronique, qui, répétons-le, à l'époque, est quand même... voilà, les gros synthés coûtent cher, quoi. C'est même très très très cher. Et évidemment, Kraftwerk en impose au monde entier, à ce moment-là. Littéralement au monde entier. Donc, Computer World, qu'on va dépiauter aujourd'hui, débarque 3 ans après ce fameux disque. Alors pour rappeler d'ailleurs les tubes de Man Machine, voilà, We Are the Robots, c'est dessus, Man Machine, hein, titre éponyme. The Model, qui est probablement le 45 tours, le tube le plus international et le plus remarqué de Kraftwerk. Bon, il y en avait pas mal d'autres, évidemment, Trans-Europe Express. Enfin bref, il y en a d'un paquet à paquet. Et puis sur le même album, Neon Light, comme une chanson superbe. Enfin, c'est un disque qui est tellement sans défaut que, a priori, c'est celui-là que j'aurais dû camper aujourd'hui comme disque culte. Et finalement, non, j'ai longuement hésité. Hein. Parce que voilà, comme on disait à l'époque, il y a le disque rouge, le fameux Man Machine, avec sa pochette très néo-constructiviste, qui renoue un petit peu avec l'art suprématiste russe, finalement, du début du XXe siècle. Et le disque jaune, le Computer World, qui lui, renoue pas avec un art ancien, mais essaye plutôt de camper les bases d'un art nouveau, d'un pixel art, d'un computer art, et qui va donc faire, après la prophétie précédente de l'homme-machine et d'une forme de cyborgisation annoncée, va être encore plus dans le prophétique en campant le home computer. Qui s'est déjà annoncé, hein, le PC existe déjà, mais, si l'homme doit domestiquer la machine, et Kraftwerk le prouve bien, Computer World campe, et de manière aussi naïve que sublime, et là j'insiste sur ces deux mots presque en contraste, sur effectivement une prophétie informatique. La pochette, alors regardons la pochette, un disque commence comme ça, quoi qu'il arrive. Bah, c'est ce fameux fond jaune, hein, sur lequel un jaune pétant, et puis dessus une fenêtre de computer, un computer à l'ancienne, hein, d'ailleurs, déjà un peu, et puis le visage en demi-profil des quatre Kraftwerk en très très gros pixels jaunes, là aussi. Voilà, tout est dit. Très peu, pas d'informations supplémentaires, rien. Il y a une pochette intérieure quand même, et puis un verso de pochette qui va montrer les Kraftwerk tels qu'ils étaient précédemment, c'est-à-dire en mannequin, en déjà robot, finalement. Donc ça fait le lien, finalement, avec le disque précédent. Alors pourquoi 3 ans d'attente pour un disque qui a été assez décrié à l'époque comme un disque un peu paresseux, un disque un peu facile? Et à mon avis, c'est pas du tout le cas. C'est un disque un peu court, oui, il fait moins de 35 minutes, là où les précédents allaient allègrement autour de 40 ou plus, quoi. Bon, voilà, 5 minutes, on va pas les condamner pour autant. Mais paresseux, surtout pas. Ce disque est tellement bien situé entre finalement une forme de simplicité mélodique et une rigueur rythmique, qu'il y a là-dessus une balance absolument parfaite, qui est évidemment, et ce n'est pas une surprise de l'annoncer maintenant, qui est la préfiguration de la techno, de l'électro qui va embrayer le pas à la fin de cette décennie-là, quoi. Et puis qui va même l'embrayer très vite, puisqu'il y a, il va y avoir des copies hip-hop bien célèbres. Bambaataa, on le réévoquera peut-être, mais on ne réécoutera pas le morceau là aujourd'hui, qui évidemment va piocher directement dans le grimoire Kraftwerk, ajouter une TR-808 dessus, et puis faire le tube planétaire qu'on connaît, Planet Rock. C'était Africa Bambaataa, produit par Arthur Baker, et ça c'est dès l'année qui suit la parution de Computer World, qu'on écrit aujourd'hui. Donc, sur ce coup-là, Kraftwerk réussit ce qu'ils ont déjà tenté depuis les 10 précédents, mais qu'ils font peut-être parfaitement là, c'est-à-dire concevoir une musique globale. Et Computer World donne un instantané du groupe, finalement, au moment où son approche pionnière de la musique électronique baigne totalement la musique populaire. En 80, la synth-pop anglaise est là, hein. Évidemment elle doit complètement à Kraftwerk, que ce soit Orchestral Man of in the Dark, Depeche Mode à leur début, Gary Newman, Adlib, il y en a d'autres. Et au même moment, en tout cas à quelques mois de décalage, le hip-hop et l'électro new-yorkaise vont complètement cartonner. Arthur Baker et Africa Bambaataa, donc, qui enchaînent le Trans-Europe Express pour le fameux Planet Rock, mais évidemment, tout des oreilles sur ce qu'on va appeler l'électro à ce moment-là. Alors, il faut faire gaffe aux définitions. L'électro-hip-hop, finalement, c'est quelque chose d'assez précis et qui concerne justement ces premiers seconds balbutiements du hip-hop qui vont se faire à coup d'électronique bas de gamme et de d'appareillage plutôt d'importation japonaise. Et pour laquelle finalement le hip-hop va s'éclater à qui mieux. Africa Bambaataa, certes, mais voilà, Nucleus, Egyptian Lover, et pas mal d'autres. Du coup, bah, Computer World démontre hein, que c'est pas du tout aux vieux singes qu'on va apprendre à faire du séquenceur. Ils sont bien là, les gars. Voilà, voilà. Et finalement, ils sont là avec un disque, un disque assez fun. Dans la rigueur allemande, le fun, c'est pas le premier mot qu'on va coller à la martialité des tempi issus du krautrock, quoi. Kraftwerk et le funk, ça fait deux à cette époque-là. Et puis, à un moment, ça va faire qu'un. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ce miracle va avoir lieu? Bah, il va essentiellement avoir lieu avec justement Computer World. Comme je vous disais, il paraît simple et dilettante. Mais cette balance entre force mélodique, perfection rythmique, elle est extrêmement accrocheur. Elle est finalement tout dévouée au minimalisme, sec mais groovy. Et finalement, elle va tourner le dos à une forme de mégalomanie, en tout cas technique, qui était proprement assumée par Kraftwerk avec les disques précédents. Et puis globalement, dans toutes les musiques 70, toutes les musiques synthétiques des années 70. L'électronique cheap arrive, c'est-à-dire le constructeur Roland, mais bien d'autres, vont commencer à fabriquer des machines avec un usage plutôt spécifique, mais qui marche très bien, et qui bien sûr ne sont pas les immenses couteaux suisses coûteux produits par Moog et puis Buchla et tout ce que vous voulez, hein, comme dans ARP et autres, comme des grands dinas du synthétiseur, mais qui coûtaient le prix d'une berline, quoi. Donc, Kraftwerk a bien compris que c'est là qu'il faut aller aussi, quand bien même ils sont déjà dotés des super trucs. Et donc, évidemment, allez pas croire que Computer World soit un disque cheap. Évidemment, ils y mettent les moyens, ils en ont plein. Hein, donc, ils auraient tort de se refuser ça. Mais, étrangement, on va trouver plein de petits blip-blip de Brick et de Brock. La fameuse dictée magique, par exemple, de Texas Instruments. Speak and Spell. Et ça, c'est un petit truc qui débarque exactement cette année-là, quoi. Et tous les kids de l'époque vont jouer avec ça. Et la dictée magique, bah, ça va devenir un must du 8-bit quelques années plus tard, quand finalement pas mal de bidouilleurs vont aller s'empresser d'aller ouvrir et toucher un petit peu ces circuits-là et jouer avec. Et bien sûr, la dictée magique de Texas Instruments devient un vrai instrument. Et il y avait plein d'autres petites bricoles comme ça. Plus connu à l'époque, en tout cas, parce qu'elle existait déjà, c'est le stylophone. Le stylophone, c'est un truc qu'on entendait parfois aussi dans les 70s. Bowie l'utilise, tiens, par exemple, quoi. Alors, c'est un truc, bip, bip, bip, c'est même plus du blip, c'est du bip, bip. Voilà, et même pas à 8 bits, mais à 4. Enfin, c'est une proto-histoire de l'électronique, mais avec un son tellement identifiable que forcément, ça donne un ton fort. Donc voilà, dans quel contexte Computer World apparaît. C'est un disque qui étrangement... Ouais, je prends des petites pincettes avec ça, mais j'ai pas peur de le dire, je trouve que c'est un disque politique. C'est le disque en fait le plus culotté de Kraftwerk. Alors il est culotté parce qu'il va jouer un petit peu du chaud froid, de la simplicité comme ça, quitte à déplaire. Il va un peu déplaire, hein, faut pas croire, mais bon, il va très vite avoir un succès. Mais attention, il y a un vrai contenu dedans. Auquel cas, la prophétie, il n'est pas uniquement sur la technologie ou bien sur les styles qui vont venir. Computer Love, par exemple, qui va ouvrir cet album, et qui est peut-être l'une des tracks les plus fortes de l'album, hein, carrément. Voilà, avec un synthé basse très très très très groovy, une mélodie par-dessus, qui, j'insiste, va camper et proto-initier les volutes de Ron Atkins et puis toute la bande de Détroit, hein, pas si longtemps après. Mais le contenu lui-même repose sur une litanie scandée par Florian Schneider, qui consiste en une liste d'institutions gouvernementales et financières, Interpol et la Deutsche Bank, le FBI et Scotland Yard. Voilà. Et là-dessus, vous avez une voix synthétique qui fournit un contrepoint, finalement, en évoquant des mots-clés comme business, numbers, money, people. C'est fascinant, c'est fascinant. Il faut bien se dire que cette interdépendance entre l'électronique et les usages personnels était absolument loin d'être évidente en 1981. Or, ce que décrit une chanson comme Computer Love met en résonance foudroyante avec notre actualité numérique d'aujourd'hui. C'est génial. C'est génial. Cette puissance de la litanie, on la retrouve beaucoup sur d'autres titres de l'album. Numbers, justement, par exemple, le troisième titre, alors qui est totalement... il est débile, puisqu'en fait, c'est juste la succession de nombres qui sont scandés en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en japonais. Et c'est tout. Mais en même temps, c'est d'une limpidité inouïe. Numbers, pour la petite histoire, est aussi un disque samplé dans le fameux Planet Rock d'Africa Bambaataa. La rythmique, c'est Numbers. La mélodie, c'est Trans Europe Express. Donc oui, quand on vous dit que Kraftwerk se pose là quand même comme figure tutélaire du berceau électronique et spécialement finalement du électro-hip-hop, oui, c'est même dur de le contredire. Voilà. Alors, spécialement la première phase de ce disque, elle est électrifiée comme ça de titres vraiment catchy. Pocket Calculator est absolument hilarant en un sens, hein, finalement. Et il joue aussi de la petite mélodie, etc. Donc, il y a forcément satisfaction dans cet album. Je vais vous laisser assez vite maintenant le découvrir. On reviendra dessus après, il y a pas mal de choses à dire. Mais il faut se le remettre en tête. Sachant qu'effectivement, il est, on ne peut pas dire que ce soit un disque maudit des Kraftwerk, ça quand même. Mais quand même, il est un tout petit peu plus... il est légèrement déconsidéré par rapport à l'œuvre maîtresse, alors, si tant est que ce soit l'œuvre maîtresse, de Kraftwerk, donc Man Machine. Voilà. Comme je vous disais, j'hésitais entre les deux à vous présenter. Puis à un moment, j'ai juste fait le choix de prendre celui que je préférais. Voilà. Préférence forcément subjective, mais je reste convaincu que finalement, sur cette capacité d'annonce finalement du siècle futur, c'est Computer World qui gagne haut la main, quoi. Et finalement, avec le moins de prétention possible. C'est ce qui fait probablement que c'est le disque de Kraftwerk à la fois le plus facile, mais peut-être aussi le plus difficile, parce qu'il est moins... Il met moins les pieds dans le plat, finalement. Voilà. Alors bienvenue dans ce Computer World et les sept titres qu'il compose. Je vous le dis, c'est un disque assez court, on se retrouve juste après. Voilà, le Computer World et Computer Love, voilà au moins des prophéties d'amour sur l'ordinateur, qui on le sait bien, l'informatique nous aime et vice-versa, sauf quand c'est parfois le contraire. Bonne écoute, rendez-vous dans 35 minutes. Yeah.

composing by pressing down a special key and place a little melody. By pressing down a special key and place a little melody. We'll be right back. tout, très grave. I programmed my own computer, beam myself into the future. Thank you. Esperanto Gunglut. Esperanto Gunglut. Esperanto Gunglut. Esperanto Gunglut. It's more than to compute. Très jolie note de fin, comme ça, un peu évaporée de Computer World. Ouais, on va pas le reprendre tout de suite, on va attendre. Donc Computer World. Et donc ce dernier titre, It's More Fun to Compute. J'aime beaucoup le double entendre d'ailleurs qu'il y a derrière ce titre-là. Parce qu'à l'époque, voilà, à toute fin des années 70, dans les années 80, il y a une marque de flipper, je ne sais plus laquelle, Bally, Gottlieb, enfin bref, dont le slogan apparaissait sur chaque vitrine de flipper, c'était « It's more fun to compete ». Voilà, autrement dit, c'est plus fun de jouer à deux ou à quatre, c'est plus fun de faire de la compète. Sous-entendu, s'il y a deux joueurs, ça va rapporter deux fois plus d'argent dans le monnayeur qu'une, oui, on s'en serait douté. Donc derrière ce jeu de mots pas si gnangnang que ça, « It's more fun to compete » versus « It's more fun to compute », évidemment, Kraver se pose une fois de plus en homme-machine. Mais du côté du divertissement, on le voit bien, quoi. Et du côté d'une machine finalement en phase d'obsolescence, quand bien même le flipper disparaîtra pas comme ça, il va même s'électroniser à vitesse grand V, mais le vidéogame, lui, est aux portes. Et bien sûr, lui, il va se développer à vitesse plus que grand V aussi. Donc il y a aussi ce rapport-là qui est extrêmement intéressant à déceler finalement dans l'album Computer World de Kraftwerk. Je reviendrai sur vos remarques parce qu'on parlait de Conny Plank, de pas mal de choses intéressantes, de compression. Oui, alors Conny Plank, si, j'ai quand même envie d'y revenir maintenant, parce que autant je présentais tout à l'heure Kraftwerk comme le groupe allemand le plus rayonnant à travers le monde, c'est une évidence, mais s'il y a un personnage essentiel dans toute cette culture musicale et pas seulement crowd rock, c'est Conny Plank. Conny Plank, dès le tout début des années 70, c'est l'ingé sœur du son en place, c'est le gars qui a le matos, c'est un producteur hors pair derrière lequel tout le monde va passer. Tout le monde, enfin vraiment tout le crowd rock, quoi. Tout le monde, ça implique aussi Kraftwerk. Et quand Kraftwerk va commencer à devenir mégalo, c'est-à-dire assez vite finalement, je pense à l'album Autobahn, c'est le premier immense succès de Kraftwerk, les Daimler génial. Il est produit par Conny Plank. Il est entièrement produit par Conny Plank. Et sur le disque, c'est écrit « Enregistré chez Conny ». Incroyable quand même, quoi. Donc, Kraftwerk, de ce côté-là, et voilà, il y a quelque chose d'assez limite. C'est le genre d'anecdote qu'on trouve d'ailleurs dans un bouquin que moi, j'ai beaucoup aimé relire pour préparer cette émission, loué à Pascal Bussy. Pascal Bussy, c'était un très très bon copain des Kraftwerk et il a écrit en 1993 « Man, Machine and Music ». Ça se trouve traduit en français, mais je recommande la version anglaise, en fait. L'original est écrit en anglais. Et Pascal Bussy m'en a raconté pas mal sur les Kraftwerk intéressantes, notamment cette anecdote-là. Bon, et du coup, là, cette biographie est devenue, on va pas dire interdite, surtout qu'elle révèle rien de scabreux, attention, mais elle a pas du tout plu à Florian Schneider, et donc ils se sont fait la gueule depuis. Mais je vous recommande quand même d'aller chercher des choses là-dedans, ça détaille notamment extrêmement bien les making-of de disques, et plutôt même l'ambiance, la communauté autour de Kraftwerk, les tournées, etc. C'est très extrêmement important. Alors justement, le disque qu'on vient d'entendre, Computer World, 1981. Alors, le dernier grand disque de Kraftwerk, dit-on. Je suis d'accord d'ailleurs, finalement, là-dessus. Mais c'est surtout un truc charnière absolument énorme. Ce disque va finalement officialiser l'entrée de Kraftwerk dans la dance culture, dans la club culture. L'introduction ayant déjà été faite depuis un moment, hein, puisque Trans-Europe Express, ça passe sur les parterres de danse disco des années 70, quoi. Assurément. Et y compris son break à rallonge Metal on Metal, qui prolonge finalement le thème de Trans-Europe Express, c'est de la trance par A plus B incontournable que les DJ ont manipulé à satiété. Et ça, bien avant que le hip-hop s'empare effectivement des thèmes de Kraftwerk, alors en tête le Trans-Europe Express, efface l'énorme tube planétaire, je le répète, on le mentionnait en introduction, on le répète encore, le Planet Rock d'Africa Bambaataa. Mais ce qui va être, à mon avis, encore plus déterminant, c'est qu'à la suite de cet album, il y a une tournée mondiale colossale, la plus forte hein, que Kraftwerk ait jamais menée, qui fait 90 dates en 6 mois. 6 mois, donc 180 jours. 90 dates sur 180 jours. Un concert tous les deux jours. Et alors, partout. Hein. Partout, notamment aux USA, c'est plus un secret aujourd'hui, auprès des communautés black qui vont s'enflammer complètement à la musique de Kraftwerk. Et ça, en fait, Kraftwerk ne l'a pas complètement vu venir. Ce qui est très beau, c'est finalement assez génial. Il y a des anecdotes savoureuses comme ça qui campent cette intronisation de Kraftwerk dans la culture noire. La première qui me vient à l'esprit, c'est un des ingénieurs du son de Norman Whitfield. Norman Whitfield, c'est le son de la Motown, entre autres, mais c'est pour beaucoup le son de la Motown, ce très gros son de la Motown, fin 60 et 70s. Il produit Marvin Gaye en son temps et les singles, mais aussi c'est quelqu'un qui va très vite se doter du studio comme arme de combat, quoi, comme un instrument. Et Norman Whitfield est encadré par des ingénieurs surdoués, et il y en a un qui justement va faire la pige à Düsseldorf, qui va aller à Kling Klang Studio. Kling Klang Studio, c'est les studios qu'on crée Kraftwerk, pour le finissage, le lissage de Man Machine. Donc le fameux disque précédent de 1977. Et l'anecdote est formidable. L'ingénieur du son, c'était pas Norman Wilfield, c'était un de ces gars dont je ne retiens pas le nom, mais ça va pouvoir se retrouver. Mais attention, l'anecdote est un peu rare quand même. Était persuadé de rencontrer des blacks, quoi. Il est resté bouche bée de tomber sur des blancs. Ok, l'anecdote prête à rire, mais elle dit pas mal de choses. Quand Kraftwerk va donc tourner notamment pas mal dans les rencontrer un public black très très fort aux États-Unis et à Detroit très spécialement, la ville machine par excellence, évidemment, la ville machine, la ville du taylorisme et la ville de la construction automobile. Alors absolument exsangue en 1981 quand Kraftwerk va y faire tourner. Et évidemment, ils vont frapper de plein fouet cette communauté de primo bidouilleurs électro, et qui, on les connaît, Kevin Sanderson, Derek May, Ron Atkins le premier, Adlib Adlib, hein, en comprenant Carl Craig, Two Underground Resistance, etc., va se biberonner finalement. Alors ça veut dire quoi ça? C'est ça qui est génial, ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de la musique, des musiques populaires, des musiques héritées du rhythm and blues, etc., ben pour la première fois, c'est le blanc qui va devenir inspirateur du black. Autrement dit, Kraftwerk invente avec son électronique une forme de blues du delta de la musique électronique en cours. Extraordinaire. Alors évidemment, la musique techno, elle doit aussi... à plein de choses, d'autres, mais on va pas enlever cette filiation finalement, mais inversée entre la musique noire et la musique blanche. C'est colossal, c'est quelque chose qu'on répétera à mon avis jamais assez. Il y a justement une autre anecdote qui est en filiation de ça, c'était, et là j'étais présent, Kraftwerk fait entre guillemets un concert surprise. Bon, surprise, en fait, on le savait, mais bref, c'était pas officiellement strictement annoncé, même si c'était pour beaucoup, on s'en doutait, un concert surprise à la très grande rave Triple Gathering, gigantesque rave à l'anglaise, telle qu'elle était faite au milieu des années 90, et là, ça se passait donc au Luton Hoop, hein, c'est pas très très loin de Londres, en 1997. Il y avait une salle Détroit, entièrement consacrée à Détroit, en tête... oublié qui, Kevin Sanderson, je me rappelle bien, Carl Craig, il y avait probablement Derek May ou quelqu'un comme ça. Non, puis il y avait Underground Resistance qui était là, mais dans la salle. Donc en fait, tout Détroit, toute l'armée techno Made in Detroit s'était déplacée. Et dans le chapiteau principal, parce que Triple Gathering, c'était plusieurs chapiteaux quand même dans un parc immense, qui succédait pour une fête non-stop qui durait 12 heures, la salle Détroit s'est arrêtée au moment où Kraftwerk occupait la salle principale. Et donc tout Détroit a débarqué pour rester finalement face à ce grand show son et lumière de Kraftwerk, et alors qu'était pour le peu le premier comeback de Kraftwerk depuis des années. Donc c'est effectivement, la surprise était là, la surprise c'était pas tant qu'on les annonçait, la surprise c'était, mais est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce qu'ils seront vraiment là, quoi. Et à l'évidence, toute une génération de gens a découvert Kraftwerk à ce moment-là, parce qu'on ne les avait pas vus sur scène depuis pas loin de 10 ans, quoi. Bon, suite à ça, Kraftwerk d'ailleurs s'est tout à fait remis en selle, remis en forme, a réactualisé leurs disques, les a réenregistrés, plus que remixé, finalement ils ont relooké leurs disques, tout comme leur image, tout comme leur pochette. Ce à quoi d'ailleurs je trouve ça la plupart du temps relativement dommage. Alors là, j'ai commencé à être méchant avec le mythe, mais du coup, ça va me permettre de faire un clin d'œil à une super réflexion qu'il y avait en ligne, merci à Y, qui parlait de la compression sur le chat dédié à cette émission en ce moment, là, sur Pinode. Il disait, enfin, quel plaisir d'entendre une compression molle. Mais molle, ça ne veut pas dire tout moumou. Non, ça veut dire élastique, quoi, donc vivante. Or, Kraftwerk, qui n'avait de cesse que de vouloir avoir le son up-to-date, puisque en plus, non seulement ils avaient le son, mais ils l'inventent, ce son up-to-date, a voulu rattraper finalement les générations qu'il avait inspirées en ayant le même son qu'elles. Et finalement, ça commence à plus aller à ce moment-là. Et les rééditions de Kraverk que vous trouvez aujourd'hui sont barbantes, elles sont chiantes, elles sont trop compressées, alors elles ont un son qui brille, qui claque, tac, tac, mais elles n'ont pas cette élasticité. Et pire que ça, sans même parler de musicalité, du coup, elles ont un son qui fait pas date. Elles n'ont pas du tout un son qui va rendre totalement impérissable ce qu'ils sont en train de refaire, alors que l'original, avec ses petits défauts et ses petits scories de jeunesse, à mon avis, est nettement plus moderne que les rééditions. Donc, étrange attitude du côté de Kraftwerk, que je dénonce pas d'ailleurs, hein, puisque bon, on peut exploiter le filon comme on veut, mais je suis pas sûr qu'il y ait une saine utilité dans ce jeu-là. Alors, c'est d'autant plus étonnant que à partir de ce moment-là, Kraftwerk était plus que deux, quoi. Deux plus deux. Parce que Wolfgang et puis Karl Bartos, c'est extrêmement important. Dans le disque qu'on vient d'entendre, Karl Bartos co-signe tous les morceaux, tous. Alors il est spécialement identifié en tant que drummer, percussionniste mais électronique du groupe, mais finalement il est plus que ça. Et très vite, hein, ces gars vont devenir finalement les adjudants d'une commandanture beaucoup plus sévère et exigeante qui n'y paraît. Bref, le mix Kraftwerk, qui quand bien même ils vont flirter avec la dance music et quelque chose de fun dans l'album qu'on écoutait aujourd'hui, est aussi quand même un groupe extrêmement martial et puis dûment commandé. En guise d'échappatoire, il nous reste quelques instants et j'ai envie de revenir sur cette histoire d'amour avec Détroit, et spécialement alors celle avec Détroit. La culture techno made in Detroit, évidemment, est biberonnée par Kraftwerk, évidemment. Je la recite les noms, Juan Atkins, le premier, et puis voilà, Kevin Saunderson, Derek May, et plein d'autres, Je vais arriver à... Je vais plutôt l'illustrer, parce qu'il y avait cette fameuse rencontre qui s'est faite donc en 1997, à l'occasion de Tribal Gathering, entre la clique de Détroit et puis Kraftwerk. Et d'après les informations que j'ai pu avoir en sous-main à cette époque-là, j'y étais en plus, mais enfin pas au cœur de la conversation non plus, Mad Mike, le mentor, le fondateur principal de Underground Resistance, avait rencontré Kraftwerk. Et bon, alors, c'est rencontré finalement un petit peu ces dieux. Qu'est-ce qu'ils s'en est dit? Alors là, j'en sais rien, mais en tout cas, ils se sont croisés, ils se sont parlé. Et on aurait tellement rêvé de quelque chose, d'un remix, d'une joint venture qui se ferait entre Kraftwerk et Détroit de manière peut-être légèrement plus officielle que finalement par voie de sample, d'imitation et de transformation, comme ça a pu l'être. J'ai cité des figures tutélaires, mais il y a aussi toute une clique suivante comme Doppler Effect, Arpanet, qui en singeant du Kraftwerk avec une forme de culture de la parodie vachement assumée, va faire aussi quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement intéressant. Ils vont faire ce que Kraftwerk, eux, ne faisaient plus à partir des années 90, ne mentons pas, quoi. Or, ce joint va se faire un petit moment avec, mais trop tard, va se faire avec un single de Kraftwerk qui ont signé à l'occasion de l'Expo 2000 de Hanovre, l'exposition universelle de Hanovre, en 2000, hein, évidemment. Donc, Expo 2000 va donner lieu à quelques remixes made in Detroit, et notamment celui que je vais vous faire écouter maintenant, qui est passé totalement à côté de la plaque, totalement. Injustement, à mon avis, injustement, mais aussi parce qu'il est sorti trop tard. C'est-à-dire que ce genre de bonheur sonore que je vais vous faire écouter maintenant, c'était en 1995 ou 96 qu'il fallait le faire, et pas en 2000. Mais enfin, voilà, l'Expo 2000, l'Expo 2009, donc, permet donc cela. Je vais juste vous faire entendre, et vous d'ailleurs, ça dure 30 secondes, le jingle de l'exposition fait par Kraftwerk en son temps, donc un pur sound design. Et vous allez voir qu'en 30 secondes, c'est quand même extrêmement classe. Et ça reprend un petit peu le motto qu'on avait dans le disque là, qu'on écoutait, Computer Hold, et spécialement le morceau Numbers. C'est d'ailleurs une litanie déclinée en plusieurs langages. C'est exactement la même chose avec Expo 2000 et de facto ensuite le remix de Underground Resistance, absolument fabuleux. Celui de Mind Mike, on en est à peu près sûr, même si ce n'est pas officiellement dit. Bonne écoute. Expo 2000. Expo 2000. Expo 2000. Expo 2000. Expo 2000. C'est bon, donc on continue. Voilà. Titre assez court hein, pour un remix, finalement. Titre assez court de 3 minutes, enfin 4 minutes. Donc, Underground Resistance, Mind Mike, derrière en fait ce remix, même s'il n'est pas officiellement nommé, et bien sûr, Kraftwerk, Detroit, Germany. Donc voilà, enfin le lien est fait, mais et officiellement, mais pas complètement marqué. Voilà, j'insiste. Au moins 3 années ou 4-5 années trop tard. Mais pourtant, voilà, il y a une puissance groovy derrière ce morceau qui m'épate à chaque fois finalement, sans rien de démonstratif. Donc c'est totalement assez sublime. Voilà, je revois un petit peu les... Ah, vous avez quand même bien réagi sur ce disque, hein. Voilà, voilà, vous le connaissiez tous, donc ça va bien. Et voilà, mais c'est fait du bien de parler comme ça d'un vrai, vrai classique, pas juste d'un disque culte. On reviendra hein, peut-être d'ailleurs hein, sur Kraftwerk, d'ailleurs, une autre occasion, tout le genre de groupe qu'on peut prendre par un autre bout. Il hein. Y a notamment un disque fin de course qui lui a probablement été pas autant considéré qu'il le méritait et qui contredit peut-être un petit peu ce que je disais par rapport à la posture vis-à-vis de la technologie actuelle de Kraftwerk aujourd'hui. C'est leur album Tour de France, fameux Tour de France, qui campe un peu ce rapport entre Kraftwerk et le vélo. Pascal Bussy, donc je me plaisais à répéter et à référencer la biographie hein, de Kraftwerk, Man, Machine and Music, m'avait dit, pour comprendre Kraftwerk, il faut regarder et observer un vélo. Voilà, le vélo, un binôme absolument parfait entre le corps et la mécanique, une symétrie impeccable, entièrement binaire, un outil parfait, diaboliquement symétrique. Voilà, tout est là finalement. La transe, elle est là. La semaine prochaine, comme j'ai campé aujourd'hui un disque, mais vraiment connu, je pense que je vais me risquer la semaine prochaine à prendre un disque inconnu. En fait. Je ne vais même pas dire très peu connu, il est inconnu. Il est inconnu, mais pas complètement invisible non plus. Donc je vous laisse tout de suite réfléchir sur... Sur ce que ce sera, parce que c'est d'abord ça va nous permettre de retrouver un petit peu un groupe de filles, et c'est un binôme assez improbable, un prête-nom de deux femmes qui sont réunies sous le nom de Justine et Juliette. Alors, clin d'œil au Marquis de Sade, ça va de soi. Justine et Juliette, pour une cassette produite sur un label du Wisconsin en 1988, qui s'appelle Kiss of the Whip, autrement dit le baiser du fouet. Justine, Juliette, Donation, Alphonsien, Ferdinand de Sade, le baiser du fouet. Oui, mes amis, ce sera pampon cucu et ce sera sexy. D'ici là, faites des recherches là-dessus si ça vous tente. Vous allez voir, on est dans un vrai incunable. Oui, vous pouvez mettre des séparations entre chaque syllabe. Un petit au revoir avec Kraftwerk, justement, quand même. Et je vais revenir à une genèse. J'ai évoqué l'album, c'est le troisième album de Kraftwerk, mais qui sort sous le nom de Ralph and Florian. Et finalement, c'est celui-là qui va officialiser une démarche de Kraftwerk que je trouve finalement de manière un peu plus hermétique. Absolument celle qu'on trouve dans le computer qu'on écoutait aujourd'hui. Spécialement le morceau de fin que j'ai envie de vous mettre s'appelle Ananas Symphonie. C'est mignon, non ? Ananas Symphonie. Et en guise de symphonie, alors c'est un morceau assez long, il fait un petit quart d'heure, c'est de l'easy listening. Absolument, c'est de l'easy listening, mais avec cette touche de romantisme allemand. Bien sûr, ces synthés qui sont là, mais pas de façon ultra dominante, comme ça va être le cas à partir de Autobahn, juste ensuite. Donc quelque part, il y a ici un disque charnière qui va officier une démarche, tout en restant dans un son dans les années 70, dans une forme claire de psychédélisme lysergique, mais aussi dans quelque chose qui s'accompagne commode relativement bien de l'esthétique lo-fi qu'on peut avoir aujourd'hui d'emprunt easy listening tel qu'a pu en jouer MMM, The Caretaker ou des choses comme celle-là. Donc là encore, chez Kraftwerk, et pourtant dans un exercice entre deux, en apparence anodin, quelque chose qui est prémonitoire d'autres choses. En ce sens-là, évidemment, Kraftwerk est culte et le seront à toujours. Voilà, ce sera notre petit au revoir de fin là-dessus. Je vous retrouve avec amour et toujours confiné la semaine prochaine à la même heure. Bonne semaine à l'écoute de Pinod. Après Cargo Culte, vous aurez le droit au Lapin Culte. Culte à jamais. À très vite. Thank you. passion.